Le million de la tour Julius, une aventure du baron Stromboli, par José Moselli. Riche, assez bien de sa personne malgré une tendance à l'embonpoint et une forte myopie qui l'obligeait à porter des binocles, le lieutenant Karl von Sputtendorf du 6e régiment de la garde impériale eût été heureux si l'avocat Adalbert Fersig n'eût pas existé. Depuis 3 ans qu'il était en garnison à Spandau, c'était quelques mois avant la guerre, il ne se passait pas de jour que Karl von Sputtendorf n'essuyât les brocards de l'avocat. Il l'avait par 2 fois provoqué en duel. La première fois, Fersig avait fait sauter son épée. La seconde, l'avocat lui avait enfoncé 2 pouces de fer dans le ventre. Quoi faire à cela? Fersig était riche, avait de belles relations. Impossible de se venger, du moins honnêtement. Et tout cela, parce qu'à son arrivée à Spandau, Sputtendorf avait émis la prétention de se faire saluer dans la rue par l'avocat qu'il ne connaissait pas. Il s'en repentait bien maintenant, mais c'était trop tard. Sa haine contre Fersig était grande. Aussi, lorsque ce soir-là, 11 heures allait sonner, il reconnut non loin de lui l'avocat qui marchait lentement dans une rue déserte, il n'hésita pas. C'était bien l'occasion rêvée pour en finir avec son ennemi. Dégainant son épée, il se roua vers l'avocat en hurlant « Crève, porc !» Un cliquetis sec retentit, puis un hurlement de rage. Adalbert Fersig avait levé son bras au bout duquel était une canne d'ébène et d'un revers avait fait sauter à 10 pas l'épée de l'officier prussien. Ainsi désarmé, Karl von Sputtendorf avait poussé un grognement de fureur. Comme fou, il se rua sur l'avocat qui riait toujours dans l'espoir de lui arracher sa canne des mains. Fersig, brusquement, recula et lança le lourd bâton d'ébène entre les jambes de son lâche agresseur. Monsieur de Sputtendorf trébucha et s'aplatit en hurlant, la face contre le pavé. Toujours souriant, l'avocat, prêt à la riposte, attendit que l'officier se relevât. Karl von Sputtendorf, la bouche écumante, tenta bien de se redresser. En vain, il avait la jambe cassée. Alors, parvenu au paroxysme de la fureur, il tira son revolver de sa gaine et leva le bras pour tuer son rival. Adalbert Fersig s'attendait à cette nouvelle traîtrise. Il vit luire la scie de l'arme et à l'instant même où Sputtendorf, après avoir retiré le cran de sûreté de revolver, allait appuyer sur la gâchette, il reçut sur les doigts un terrible coup de canne qui lui fit crier de douleur et lâcher le revolver qui tomba sur le pavé. Adalbert Fersig s'en empara incontinent, le braqua sur monsieur de Sputtendorf et à voix basse parla. « J'espère que vous voici un peu calmé. Aimable homme de guerre, ne criez pas ou je vous tue. J'en ai le droit, je pense. » Karl von Sputtendorf, étendu sur le sol, s'appuya sur son coude et grinça des dents, sans répondre. « Vous voilà donc plus raisonnable ? Tant mieux. Je vous en félicite. Vous avez, je crois, une jambe cassée, tous mes regrets. Mais comme par humanité et aussi pour ma sécurité personnelle, je ne peux vous laisser ici, vous allez vous coucher sur le dos. Élevez les bras, afin que je vous traîne chez moi par les poignets. Je... Silence et obéissance, ou je vous assomme. Assez parlé. » Le ton sec dont furent prononcées ces dernières paroles donna sans doute à réfléchir à l'irascible Sputtendorf. Il n'insista pas et docilement s'étendit sur le pavé et leva les mains. Adalbert Fersig lui lia aussitôt les poignets et, comme il venait de le dire, le traîna sur le dos vers une porte percée dans une haute muraille envahie par le lierre et qui entourait un jardinet au centre duquel se dressait un petit cottage de bois et de briques. En quelques instants, l'avocat et son prisonnier y arrivèrent. Fersig eut rapidement ouvert la porte car ce cottage lui appartenait et fait passer le seuil à l'officier Bosch. Ceci fait, il referma à lui. Dans le lointain, 11 heures sonnèrent au clocher de Sternfeld. Karl von Sputtendorf tressaillit violemment. « 11 heures, murmura-t-il. « Oh !»« Quoi ? » fit l'avocat. « Rien. Laissez-moi partir, laissez-moi partir. Je vous donne ma parole d'honneur que je ne révélerai rien de ce qui s'est passé entre nous. Non. Je vous donne ma parole d'officier prussien. Je m'en moque. Oh, écoutez, j'ai sur moi mon portefeuille. Il y a plus de 4 000 marks dedans. Je vous les donne, si vous me laissez partir. Dans mon portefeuille, il y a 20 000 marks, et je m'en soucie comme de votre peau, mein Herr. Ce qui n'est pas peu dire. 4 000 marks. Vous mériteriez que je vous donne 4000 soufflets, imbécile. Vous avez par deux fois tenté de m'assassiner, et vous espérez vous en tirer avec 4000 marques. Ma peau vaut plus cher que cela, sachez-le bien, beaucoup plus cher. Je verrai plus tard en fixer le prix. Pour l'instant, vous allez rester prisonnier ici, et je soignerai gratuitement votre jambe cassée. Écoutez, je vais vous signer un chèque de 10 000 marques, dit l'officier qui paraissait affolé. Et vous me ferez arrêter lorsque j'irai le toucher, ce n'est pas malin. 20 000 marques, je vous signerai 20 000 marques, supplia Karl von Sputtendorf. Silence, étendez vos poignets que je les ligote. Éperdu de honte et d'humiliation autant que de douleur, le lieutenant dut se laisser fister les poignets, ils le furent solidement. Après quoi, Adalbert Fersig, faisant preuve d'une vigueur que l'on n'aurait pas attendue de lui, souleva son prisonnier, 85 kilos. Comme s'il n'eût pas pesé plus qu'un enfant, et le portant dans ses bras, il gravit un petit perron, traversa un vestibule, entra dans un salon et jeta son prisonnier sur un large divan. Rapidement, l'avocat arracha un des rideaux de tulle fixés à la fenêtre et en confectionna un solide bâillon qu'il appliqua sur la bouche de M. de Stoppendorf. Que se passa-t-il entre lui et son prisonnier? C'est ce que personne, jusqu'à ce jour, n'a jamais su, attendu que Karl von Stoppendorf a toujours gardé à ce sujet une réserve entière, et cela malgré tous les efforts de ses chefs. Toujours est-il que le surlendemain, le ministre des Finances, comte de Bühlen-Eternich, reçut une lettre adressée à son domicile privé avec la mention « très urgent, confidentiel ». Monsieur de Bühlen-Eternich a la réputation d'un homme froid, pondéré, impassible. On l'a vu, au Reichstag, tenir tête aux deux tiers de l'Assemblée déchaînée contre lui, et sans pour cela qu'un muscle de son visage placide encadré de favoris blancs remua, ni que ses yeux bleus perdissent de leur assurance. Pourtant, la mystérieuse lettre devait avoir raison du flegme de l'homme d'État. En la lisant, il pâlit d'abord. Quand il eut terminé, il était livide et ses mains tremblaient. Durant l'heure qui suivit, il resta assis devant son large bureau d'acajou aux montures de cuivre, à réfléchir, la tête dans ses mains, les yeux fixés sur la terrible missive. Il regarda l'enveloppe qui était timbrée de Spandau et, comme la lettre, tapait à la machine à écrire. Le papier était commun et sans filigrane. Le texte était bref, le voici. Excellence. Le mobile des actions humaines est presque toujours double. Il comporte le profit et la gloire, l'un et l'autre. Souvent les deux. L'entreprise que je viens de mener à bien m'a déjà procuré le profit. La gloire, j'en fais fi et pourtant, si je voulais, mais je suis modeste. Cependant, il me faut faire violence à ma modestie afin de remercier l'Allemagne de la noble hospitalité qu'elle m'a offerte. Ce remerciement consiste à vous faire savoir, Excellence, que j'ai enlevé dans la Julius Sturm de Spandau 10 sacs de chacun 100 000 marques. J'aurais pu en prendre plus, puisqu'il est à 120 millions et qu'ils proviennent des 5 milliards enlevés eux-mêmes à la France. Mais je vous le répète, je suis modeste. Je pourrais avertir les journaux de ma petite opération, mais je déteste la publicité. Cependant, je serai au regret, Excellence, que vous ne me croyiez pas. J'espère donc que vous me donnerez les ordres nécessaires pour faire vérifier mes dires, et si vous le jugez bon, faire remettre le 1 000 000 qui manque. Je m'engage à ne pas y toucher. Une remarque en passant. Pour pénétrer dans la forteresse au milieu de laquelle se trouve la Julius Sturm, il existe plus d'issues que vous ne pensez. Emmenez avec vous quelques soldats et nul doute qu'ils ne vous les découvrent. Cette constatation vaut bien 1 000 000 de marques, n'est-ce pas? Nous voici donc quittes, Excellence, et j'en suis aise. J'espère que vous me croirez, sinon je me verrai obligé, quoi qu'il dût m'en coûter, à saisir la presse de cette affaire. Je ne mens jamais, et il m'est particulièrement désagréable de ne pas être pris au sérieux. J'ajoute, Excellence, pour votre édification personnelle, que je compte aller dépenser cet argent en France d'où il vient. Ce sera en quelque sorte une restitution. Bien légère, il est vrai. Mais on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas? Je suis, de votre Excellence, l'admirateur passionné, Baron César Stromboli. Les exploits mondiaux du célèbre gentilhomme international démontraient suffisamment et péremptoirement qu'il n'était pas, ainsi qu'il l'affirmait, homme à se vanter. Pourtant, enlever 1 000 000 de marques, soit 350 kilos d'or, et de la tour de Spandau encore, cela paraissait invraisemblable. mais savait-on jamais avec ce diabolique baron? Après d'interminables réflexions sur ce thème, M. de Bulen Eternich se leva, blême. Pendant quelques instants, il resta debout, immobile, le temps de rendre à son visage son habituelle impassibilité. Puis il sonna, et à l'huissier accouru ordonna de prier le directeur du contrôle de la dette publique de venir aussitôt. M. von Fauen, ainsi se surnommait ce haut fonctionnaire, arriva 10 minutes plus tard. M. de Bulen Eternich, qui avait repris son calme entier, l'interrogea aussitôt. « Y a-t-il longtemps que la vérification du trésor de guerre a été faite ?» commença le ministre. « Le trésor de la Julius Sturm, Excellence ?»« Oui. »« Mais, Excellence, la vérification a été effectuée, comme toujours, à la date fixée, c'est-à-dire avant-hier matin. » M. de Bulen Eternich eut grand-peine à réprimer un frisson. « Avant-hier matin, dites-vous » répondit-il. « Oui, Excellence. Messieurs von Bomst et von Sommerda, conseillers de la commission d'amortissement des dettes de l'État, se sont rendus à 6 heures à la tour Julius et ont vérifié le trésor de guerre. J'ai le rapport entre les mains, rien de nouveau. Tout est intact, comme de coutume. D'ailleurs, il n'en saurait être autrement, Excellence. Je n'en doute point. Vous voudrez bien faire prévenir d'urgence, messieurs von Bomst et von Sommerda. Je les attends. Allez, monsieur. » Inquiet et troublé par les questions bizarres du ministre, M. von Fauen se retira à reculons. Les conseillers von Bomst, un gros teuton ventru, visage rouge orné de lunettes et d'une barbe rousse et touffue, et von Sommerda, grand, glabre et chauve, l'œil bleu, le nez en lame de rasoir, les lèvres minces, arrivèrent l'un derrière l'autre dans le cabinet du ministre des Finances. M. de Bulen Eternich, après les avoir priés de s'asseoir, aborda sans délai l'objet de ses préoccupations. Vous avez, messieurs, procédé avant-hier matin à l'inspection mensuelle du trésor de la Julius Sturm, n'est-ce pas ? Oui, Excellence, répondit le gros von Bomst, tandis que Sommerda hochait affirmativement la tête. Tout était en règle ? Oui, Excellence, répéta von Bomst. Très bien. Mais je vous prie, monsieur von Bomst, de me faire un récit détaillé de votre vérification. Excellence, notre rapport ? Commença von Sommerda. Je sais. Je ne l'ai pas lu, votre rapport, coupa le comte de Bulen. Dites-moi ce qui s'est passé lors de votre visite de la tour Julius. Mais rien, Excellence, affirma von Bomst. Je m'en doute. Enfin, faites-moi votre rapport de vive voix, ordonna M. de Bulen Eternich, sans montrer l'impatience et l'inquiétude qui l'agitaient. Voici, Excellence, prononça von Sommerda. Nous sommes arrivés à Spandau la veille du jour fixé pour notre inspection, et nous avons aussitôt prévenu le général von Kohlfurth, commandant la forteresse de Spandau, de mettre à notre disposition un officier de confiance pour nous conduire et nous assister. Le nom de cet officier ? Interrompit le ministre. Je ne me le rappelle plus, Excellence. Le savez-vous, Bomst ? Moi non plus, avoua le gros Bomst. C'est bien, on le retrouvera. Continuez, monsieur von Sommerda. Nous logeâmes à l'hôtel du commandant du cercle d'Ostaviland, et à 6 heures du matin, ainsi que nous l'avions demandé, l'officier en question vint nous prendre et nous mena dans la forteresse, d'où un canot nous conduisit dans l'île où se trouve la tour Julius, au confluent de la Spree et de la Havel. Je sais, continuez. Le capitaine d'état-major délégué à la surveillance de la tour nous en ouvrit la porte extérieure, d'où nous descendîmes au caveau, accompagné de l'officier que nous avait délégué le général von Kohlfurth. En sa présence, nous tirâmes chacun de notre poche une clé qui nous servit à ouvrir les 2 serrures fermant la porte de la chambre blindée. « Ces clés, où sont-elles ? » coupa le ministre. « Dans le coffre du trésor de l'Empire, Excellence, où nous nous avons replacé de notre retour comme l'exige le règlement. Qui a la clé de ce coffre ? » ?»« Mais le grand maréchal de la cour, prince de Hohenkirch, Excellence, il ne l'ouvre que chaque mois pour remettre les clés du caveau de Spandau aux 2 conseillers désignés par le sort, expliqua un monsieur de Sommerda avec un peu de dédain pour l'ignorance de l'homme d'État. Il continua. La porte blindée ouverte, nous pénétrâmes dans le caveau. Ce dernier, vous le savez, Excellence, comprend 12 grandes niches creusées dans le roc et dont chacune est divisée en 10 alvéoles qui contiennent chacun 10 sacs de 100 000 marks. Nous avons minutieusement compté les sacs et pesé 7 d'entre eux pris au hasard dans la balance installée dans le caveau. Ils étaient complets, naturellement. Après avoir remis tout en place, nous sommes donc sortis, après avoir fait passer devant nous l'officier, comme le veut le règlement, et avons refermé ensemble les 2 serrures. La porte de la tour a été fermée devant nous. après avoir signé le registre déposé dans le bureau du capitaine d'état-major, préposé à la surveillance de la Julius Sturm, nous avons de nouveau traversé la Havel et avons été faire notre visite d'adieu au général von Kohlfurth, commandant l'arsenal. Notre rapport, déposé hier chez M. von Pfauen, constate ces faits, conclut M. von Sommerda. Je vous remercie, répondit le ministre. Vous allez maintenant, messieurs, m'accompagner à Spandau. Les figures des deux conseillers exprimèrent à ces mots une surprise énorme. Sans vouloir s'en apercevoir, M. de Bühlen-Etternich tira sa montre. « Il est 10 heures. À 11 heures, je serai à la gare de Lehrt. Veuillez m'attendre sur le quai. À tout à l'heure, messieurs. » Von Sommerda et von Bomst, pareillement ahuris, s'inclinèrent. À peine furent-ils partis que le ministre s'y fit apporter son pardessus et son chapeau. Son automobile, aussitôt amené, le conduisit au palais impérial. Le grand maréchal de la cour, à qui il se fit annoncer, le reçut aussitôt. « Prince, fit M. de Bühlen, sitôt que les deux hommes furent seuls, voici une lettre que je viens de recevoir. C'est peut-être une mystification, mais rien n'est moins sûr, attendu qu'elle est signée du fameux baron Stromboli, et que ce dernier se vante d'avoir soustrait 1 million de marks dans la Julius Sturm, précisément le jour même où les conseillers von Bomst et von Sommerda ont vérifié le contenu de notre trésor de guerre. La coïncidence est troublante. » En même temps qu'il parlait, le ministre des Finances avait remis au prince de Hohenkirch la mystérieuse lettre signée César Stromboli. Le grand maréchal l'eut vite lu, lui aussi devint pâle. « Tout est possible, murmura-t-il, ce Stromboli est un démon. Il faut vérifier sans délai s'il livrait. Quel scandale, si le fait est exact. Agissons vite. » « C'est pour cela que je suis ici, prince. J'ai vu tout à l'heure messieurs von Bomst et von Sommerda qui m'ont fait le récit de leur inspection. J'ai lu leur rapport, en effet. Enfin, ils m'attendent à la gare de Lehrt. Je viens vous prier, prince, de me confier les clés du caveau de la Julius Sturm, afin que nous puissions vérifier son contenu sans délai. Je vous les donne tout de suite. » Le prince de Hohenkirch disparut dans une pièce voisine. Après 10 minutes d'absence, il revint et tendit au ministre 2 minces clés nickelées aux contours bizarrement dentelés. « Voici les clés, comte, » dit-il. « Messieurs von Sommerda et von Bomst connaissent la manière de s'en servir. » Et télégraphiez-moi, en chiffres, bien entendu, dès que votre vérification sera faite. Puisse Stromboli avoir menti. Espérons-le, prince. » Les deux hommes se serrèrent la main. Sur le quai de la gare de Lehrt, M. de Bühlen-Etternich retrouva les deux conseillers et, en leur compagnie, monta dans un wagon de première classe d'un train partant pour Spandau quelques minutes plus tard. Aussitôt arrivé à destination, le ministre et ses compagnons gagnèrent à grands pas l'hôtel du général von Kohlfurth, commandant l'arsenal. Ce dernier, en train de déjeuner, interrompit aussitôt son repas pour rejoindre au salon les 3 distingués visiteurs qui lui arrivaient. M. de Bühlen-Etternich, très calme, malgré les sentiments qui l'agitaient, attendit patiemment que le général ait fini de le complimenter, puis, après lui avoir retourné ses congratulations, il demanda « Je voudrais avant tout, général, savoir le nom de l'officier qui avant-hier a conduit ces messieurs à la Julius Sturm. » « Le nom de ce galopin ? Mais je vais vous le dire tout de suite. C'est le lieutenant Karl von Stoppendorf. Ce clampin a disparu. Après avoir visité la tour Julius en compagnie de messieurs von Bomst et von Sommerda, il est revenu chez lui, s'est habillé en civil, puis est parti Dieu sait où. Enfin, s'il n'est pas là demain, je le fais porter déserteur et envoie un rapport à sa majesté. » Sans répondre, M. de Bühlen-Etternich hocha la tête. Les paroles du général von Kohlfurth ne l'étonnaient qu'à moitié. Il commençait maintenant à croire aux affirmations contenues dans la lettre du baron Stromboli. Debout près de lui, von Bomst était devenu rouge comme une tomate. Von Sommerda avait, lui, la couleur d'un navet. Les deux conseillers venaient de deviner le motif de leur voyage à Spandau. Sans nul doute, quelque chose s'était passé dans la Julius Sturm. Mais quoi ? Vol ? Indiscrétion ? « Quel est au juste ce Karl von Stoppendorf ? » demanda M. de Bühlen-Etternich après un court silence. « C'est le fils d'un propriétaire de Treptow, en Poméranie, assez riche, ma foi, et qui était, je crois, protégé par l'ancien chancelier. Il est bien noté, et allait prochainement être envoyé à Berlin. Je ne m'explique pas sa fugue. » « En quel temps vivons-nous, Excellence ? Tout s'en va. On ne ferait pas pire en France, » acheva von Kohlfurth en soupirant. « Général, vous allez de suite donner l'ordre que personne ne sorte de la ville, et consignez les troupes de la citadelle. Vous ferez garder militairement les deux gares et attendrez ici mes ordres. » Von Kohlfurth ouvrit deux yeux que l'étonnement rendait aussi ronds et aussi luisants que des billes d'agate. « C'est entendu, Excellence. Je vais de suite donner des ordres, » dit-il en regardant le ministre et les deux conseillers. « C'est cela, » fit M. de Bulle, nez terniche. « Et faites-moi donner une vingtaine de soldats pour fouiller les abords de la Julius Storm de fond en comble. »« Fouiller la Julius Storm ?»« J'en ai les clés, général. Hâtons-nous, les instants sont précieux. » Von Kohlfurth ne trouva plus rien à dire. Il allait de surprise en surprise, et une vague inquiétude commençait à le gagner. Il se précipita sur un appareil téléphonique posé sur un guéridon, et d'une voix rêche, transmit aussitôt les instructions, les ordres plutôt, que venait de lui donner le ministre des Finances. Lorsqu'il eut fini, il se souvint soudain de l'heure, midi et demi, et s'écria. « Mais vous n'avez sans doute pas déjeuné, Excellence, et je serai... »« Mille merci, Général. Moi et ces messieurs, nous allons de suite vérifier le trésor de la Julius Storm. Vous viendrez avec nous. »« Mais avec plaisir, Excellence, je veux dire avec... »« Je vous ai demandé 20 soldats, Général. Nous les prendrons à l'arsenal, Excellence, il... »« Allons, » fit le ministre. Le ton calme et froid avec lequel il parlait, et aussi la formidable émotion qui agitait les deux conseillers d'État, commençaient à affoler le brave général. Il se dirigea vers l'antichambre, hésita entre la demi-douzaine de casquettes accrochées au pater, finit par en coiffer une à l'envers, et descendit dans la rue, suivi de M. de Bulen Eternich et des deux conseillers qui échangeaient des regards en dessous. À pas rapide, les quatre hommes se dirigèrent vers l'arsenal, dont l'entrée défendue par une haute grille se voyait à moins de 200 mètres de l'hôtel du général von Kohlfurth. Dans la vaste cour, aussi bien que dans les bâtiments et dans la forteresse, une agitation forcenée régnait. Des troupes d'hommes ahuris couraient, affolés, de tous côtés, poursuivis par les hurlements des sous-officiers. Les ordres du général étaient cause de ce trouble. Chacun se demandait ce qu'arrivait. Visite de l'empereur, mobilisation, révolution... La guerre avait-elle été déclarée? Les cris s'entrecroisaient de toutes parts. Ils s'apaisèrent un peu à la vue du général, mais le trouble, la bousculade, s'accentuèrent. Devant cette cohue, M. de Bulen-Eternich eut un léger mouvement d'impatience. « Dites à vos officiers de ramener un peu de calme, général, » dit-il à mi-voix. « J'aurais désiré que les mesures que je vous ai ordonné de prendre restassent secrètes, ou du moins fussent très discrètes. Il y a de quoi affoler la population. » Ces paroles eurent le don d'enlever à Kohlfurth ce qui lui restait encore de sang-froid et hurla « Clampin, porc, voyou, silence !»« Monsieur Dobberstein, faites taire vos braillards !»« Vous aurez 15 jours d'arrêt, monsieur von Schönberg !»« Silence, der Teufel, silence !»« Que 20 hommes viennent ici près de moi !» De nouveau, ce fut la débandade. Soldats et sous-officiers se ruèrent vers le général qui leva le poing en un geste de fureur. Heureusement, il aperçut à quelques pas de là un sous-officier qui, à la tête de 20 soldats géométriquement rangés 4 par 4, s'avançait vers lui. Ce spectacle le calma un peu. « Venez, vous autres » hurla-t-il, cependant que sur l'ordre des officiers énervés, des escouades de troupiers entraient dans l'arsenal pour y prendre leurs armes ou en sortaient pour aller garder les deux gardes de Spandau. Les 20 hommes, sur l'ordre du sous-officier, s'arrêtèrent à 10 pas du général et, impeccable, tête droite et pieds joints, attendirent. Von Kohlfurth, après avoir essuyé de la main la sueur coulant le long de son front, se tourna vers M. de Bulen-Eternich et parvint à dire « Je suis à votre disposition, Excellence. » Le ministre inclina la tête en signe d'assentiment. « Allons à la tour, » dit-il. « Suivez-moi, vous autres, » ordonna Kohlfurth aux soldats. Derrière les 4 personnages, la petite troupe s'ébranla et après avoir traversé les 3 cours de l'arsenal, arriva sur les bords de la Havel, devant l'île au milieu de laquelle se dressait le fort contenant la Julius Storm. 3 grandes barques déposèrent tout le monde au pied de la forteresse. M. de Bulen-Eternich, ayant réuni autour de lui les soldats, parla. « Vous allez, mes amis, visiter tous les bâtiments qui environnent la tour. Ils sont munis, paraît-il, d'issues secrètes qu'il s'agit de découvrir. Il y a 1000 marques pour celui qui en trouvera une, 2000 marques pour celui qui en trouvera 2. Venez !» À la suite du général Kohlfurth, du ministre et des 2 conseillers, les troupiers pénétrèrent dans la forteresse. Le capitaine commandant le petit fort, et qui y résidait avec 12 hommes de confiance, accueillit avec empressement ses illustres visiteurs. Mais son sourire se figea sur ses lèvres lorsque Kohlfurth, sec, lui eut ordonné de faire visiter aux soldats la petite forteresse dans laquelle il se passait des choses étranges. L'infortuné officier ne se sentit même pas le courage de répondre. D'ailleurs, le général, sur ses menaçantes paroles, s'était éloigné en compagnie du ministre des Finances et des deux conseillers d'État. Les quatre hommes, dirigés par M. de Sommerda, arrivèrent devant la porte du cabot blindé. À la clarté d'une lanterne qu'alla chercher von Bomst, la porte d'acier fut ouverte en y introduisant simultanément les deux petites clés. Messieurs de Bühlen-Eternich, Sommerda, Bomst et le général Kohlfurth entrèrent dans le cabot et du premier coup d'œil, ils s'aperçurent qu'une des 10 alvéoles creusées dans le béton et qui devait contenir 10 sacs de 100 000 marks était vide. Vide! Monsieur de Bühlen-Eternich, il faut le dire, garda seul son sang-froid. Le baron Stromboli a dit vrai, prononça-t-il, il a volé 1 000 000 de marks au trésor de guerre de l'Empire allemand. Jusqu'ici, je ne voulais pas y croire. Me voici renseigné. Et c'est pourquoi nous sommes ici, messieurs. Frappés d'une telle stupeur qu'ils en demeuraient hébétés, le général et les deux conseillers se penchèrent sous l'alvéole vide, comme s'ils n'en croyaient pas le témoignage de leurs yeux, ou qu'ils espéraient y faire revenir les sacs d'or absents. Inutile de regarder plus longtemps, il manque bien 1 000 000, fit sèchement M. de Bühlen-Eternich. Pourtant, le compte y était bien avant-hier, répondit von Sommerda d'une voix étouffée. Il n'y est plus maintenant, en tout cas. Cherchons, s'écria le général. Peut-être que les sacs manquants ici ont été répartis ailleurs. Impossible, affirma von Sommerda. Chaque alvéole peut contenir 10 sacs, exactement, et pas un de plus. Pourvu qu'on ait volé que 10 sacs, souffla von Bomst, anéanti. Cherchons, messieurs, et finissons-en, dit le ministre. En silence, les quatre hommes explorèrent la crypte. Nulle trace d'effraction, rien. 10 sacs de 100 000 marks manquaient, et c'était tout. Le baron Stromboli ne s'était pas flatté. L'or a bien disparu, conclut M. de Bühlen-Eternich. « Sortons d'ici. Il s'agit maintenant de retrouver le voleur et son larcin, s'il se peut. » Nul ne lui répondit. En silence, les quatre hommes quittèrent le cabot blindé dont la porte fut refermée avec les précautions réglementaires par von Sommerda et von Bomst. De là, le ministre et ses compagnons gagnèrent le bureau du capitaine commandant la petite forteresse. L'infortuné officier faisait peine à voir. Ce fut en balbutiant qu'il répondit à l'interrogatoire serré que lui fit subir M. de Bühlen-Eternich. Il n'avait rien vu, rien entendu de suspect depuis l'inspection des deux conseillers d'État. Pas la moindre alerte, aucun rapport, la tranquillité absolue. « Pourtant, on n'enlève pas 350 kilos d'or comme cela, » remarqua le ministre. « Je sais bien, Excellence, » murmura l'officier. « Je n'y comprends rien, moi non plus, je... » « Moi, je comprends que la surveillance a été mal faite, » dit M. de Bühlen. « On aura volé l'or et on l'aura jeté dans la rivière, sans doute, puis un scaphandrier l'aura été cherché. »« Je ne crois pas, Excellence. La Spree et la Hubble ont ici à peine 2 mètres de profondeur, et leurs eaux sont limpides et transparentes. Si les sacs d'or étaient au fond, on les verrait, d'autant plus que les berges sont garnies de pilotis qui empêchent les herbes d'y pousser. » M. de Bühlen-Eternich haussa les épaules. Que ce soit d'une manière ou d'une autre, il n'en est pas moins vrai que 350 kilos d'or ont été enlevés de la Julius Sturm, et bien que défendus par un triple rang de sentinelles, de portes blindées et une garnison de 50 000 hommes. Et cela à quelques kilomètres de Berlin. Si ce vol venait à être connu, nous serions la risée de l'Europe. Le commandant de la Julius Sturm se borna pour toute réponse à hocher tristement la tête. Mais enfin, insista le ministre, vous n'avez pas une idée sur la façon dont s'y sont pris les voleurs? La forteresse entourant la tour possède, paraît-il, plusieurs issues ignorées. Je viens d'envoyer des soldats explorer les moindres recoins afin de découvrir l'endroit par où sont passés les voleurs. Car je comprends fort bien qu'ils ne sont ni entrés ni sortis par la porte. Votre responsabilité n'en est pas moins énorme. Excellence, je peux vous affirmer qu'il n'existe pas d'autre issue que la porte, laquelle est gardée jour et nuit par une escouade de soldats et de 3 sentinelles. De plus, 3 autres sentinelles se promènent jour et nuit sur le chemin de ronde surmontant la forteresse. De là, ils dominent toute l'île dans laquelle est érigée la tour. Alors même qu'il existerait une issue, les coupables n'auraient pu s'en servir sans être aperçus et découverts immédiatement. Je n'ai pas osé aller à l'encontre du désir de votre Excellence, mais il est certain que les recherches des soldats seront vaines. Les fondations du fort et de la tour sont en granit scellé par des crampons de fer et s'enfoncent à 3 mètres au-dessous du lit de la Havel. Pour les percer, il faudrait la dynamite. À votre idée, donc, on n'a pu passer que par la porte, alors. Je ne sais, Excellence, avoua l'officier. En tout cas, je vais vous proposer pour 6 mois de forteresse en attendant que Sa Majesté statue, fit le général von Kohlfurt. L'infortuné officier ne put que rester muet. Monsieur de Bühlen-Etternich se leva. Voyons si les soldats ont trouvé quelque chose, dit-il. Sinon, il ne nous restera plus qu'à prier le préfet de police de Berlin de se charger de l'enquête. Venez, messieurs. Derrière le ministre, le général von Kohlfurt, von Bomst et von Sommerda sortirent du bureau du commandant de la Julius Sturm, laissant l'officier complètement anéanti par ce qui lui arrivait. Les 4 hommes arrivèrent dans la cour du fort, au centre de laquelle se dressait la Julius Sturm. Ils furent bientôt rejoints par le sous-officier commandant les 20 soldats chargés d'explorer les murailles de la forteresse. « Mon général, dit-il après s'être planté raide et compassé devant von Kohlfurt, aucun de mes hommes n'a encore rien trouvé. » Kohlfurt, contenant sa rage, se tourna vers le ministre comme pour lui demander avis. « Inutile de chercher plus longtemps, fit M. de Bühlen-Etternich. Le million est bien parti. Faites rassembler vos hommes, général. Recommandez-leur le silence et emmenez-les. Je vais tout à l'heure rendre compte de tout ceci au chancelier qui préviendra Sa Majesté. La parole maintenant est à la police. Je ne vous dissimule pas, général, que c'est une affaire regrettable, très regrettable même, et qui peut avoir de très graves conséquences. Enfin, faites renforcer la garde autour de la Julius Sturm et veillez vous-même à réprimer la moindre négligence de façon à ce que pareille chose ne puisse se reproduire. Je veux faire passer le coupable en conseil de guerre, gronda Kohlfurt. M. de Bühlen-Etternich réprima un sourire. « Pour cela, il faudra les connaître, général, » dit-il. « Les connaître ? C'est cet ignoble voyou déserteur de Stuppendorf, j'en suis sûr. Il aura profité de l'inattention de messieurs von Bomst et von Sommerda pour mettre 350 kilos d'or dans sa poche, » acheva le ministre ironique. « C'est peu probable, général. Allons-nous-en. » Kohlfurt, la bouche sèche, tonitrua des ordres. Les 20 soldats flanqués du sergent, rassemblés dans la cour, furent prévenus que la moindre allusion à leur visite dans l'île de la Julius Sturm les conduirait infailliblement en conseil de guerre et aux travaux forcés ensuite. Tête basse, morne, ils sortirent de la forteresse et derrière eux, le ministre des Finances, Kohlfurt, Bomst et Sommerda. M. de Bühlen-Etternich, sans même penser à déjeuner, bien qu'il fût 5 heures de l'après-midi, reprit aussitôt le train pour Berlin, accompagné des 2 conseillers d'État. Et le soir même, M. Ulrich von Hulsen, préfet de police de Berlin, mis par le chancelier de l'Empire au courant du mystérieux vol de la tour Julius, partit pour Spandau, accompagné des plus habiles détectives de la capitale de l'Allemagne. En vain, M. von Hulsen interrogea-t-il de nouveau le malheureux commandant de la Julius Sturm. L'officier ne put en rien le renseigner. Les soldats formant la petite garnison de l'île Julius n'avaient non plus rien vu ni rien entendu d'anormal. Les portes du caveau blindé, les serrures, examinées par un ingénieur spécialiste, furent déclarées indemnes et intactes. C'était à n'y rien comprendre. Von Hulsen recueillit aussi le témoignage des 2 conseillers d'État qui avaient vérifié le trésor de guerre, vraisemblablement peu d'instants avant le vol. M. von Sommerda, aussi bien que son collègue von Bomst, furent unanimes à déclarer qu'ils avaient quitté le caveau alors que pas un marque ne manquait et qu'en tout cas, conformément au règlement, le lieutenant von Stuppendorf n'avait à aucun moment franchi le seuil du caveau. Que croire ? L'affaire restait tout aussi obscure, tout aussi embrouillée. Von Hulsen, homme méfiant par tempérament autant que par métier, en arriva, à bout de recherche, à suspecter von Sommerda et von Bomst. Jusque-là, il apparaissait que seuls les 2 conseillers d'État avaient eu entre les mains les 2 clés permettant d'ouvrir la porte du caveau. Qui sait ? Peut-être étaient-ils de connivence avec Stuppendorf. Tous 2 étaient vigoureux et bien capables de porter chacun 60 kilos. Alors, en 2 voyages, ils avaient parfaitement pu emporter le million manquant. L'hypothèse était hardie. Mais von Hulsen n'avait pas le choix des suppositions. Il s'ouvrit de celle-ci à M. de Bühlen-Etternich. Le ministre, tout d'abord, jeta les hauts cris et se porta garant de la probité des 2 hauts fonctionnaires qui possédaient d'ailleurs chacun une assez belle fortune. Mais, lorsque le préfet de police lui eut répété ses arguments tendant à prouver que seuls Bobst et Sommerda pouvaient logiquement avoir commis le vol, M. de Bullen commença à douter. « Mais alors, dit-il, il serait complice du baron Stromboli ? C'est impossible. Tout arrive, Excellence. » Quand même, je ne crois pas que des hommes comme von Bomst et von Sommerda soient capables d'une pareille trahison. Sait-on jamais, Excellence? Si vous m'en donnez l'autorisation, je vais faire surveiller discrètement les deux conseillers et sans qu'ils s'en aperçoivent. Qui sait? Cette affaire nous ménage peut-être des surprises plus grandes que nous ne les croyons. Enfin, faites pour le mieux, mais soyez prudents surtout et discrets. Comptez sur moi, Excellence. La surveillance dont von Hulsen entoura le jour même les deux hauts fonctionnaires n'aboutit à rien. Il y avait 9 jours que von Hulsen cherchait en vain. Lorsqu'en arrivant à son bureau, il trouva sur sa table un télégramme de Spandau ainsi conçu. « Lieutenant von Stuppendorf retrouvé, jambes cassées, arrêté. Ludwig. » Ludwig était le nom sous lequel se dissimulait M. Rauch, chef de la sûreté, que von Hulsen avait chargé de l'aider dans cette grave affaire. Le premier train partant pour Spandau emporta le préfet de police. La dépêche disait vrai. À 5 heures du matin, un détachement de lanciers revenant de manœuvre avait découvert, parmi les ajoncs bordant les rives de la Havel, en face du village de Gatov, un homme qui criait désespérément. S'en étant approché, les lanciers avaient reconnu en lui le lieutenant Karl von Stuppendorf, dont la disparition inexplicable défrayait depuis plusieurs jours les conversations des officiers de la garnison de Spandau. Sans autrement s'expliquer, M. de Stuppendorf avait déclaré qu'il avait la jambe cassée. De fait, sa jambe droite était montée dans un appareil orthopédique et avait demandé qu'on le conduisît à l'hôpital où il avait été emmené en croupe et consigné aussitôt à la disposition de l'autorité militaire dans une petite chambre à fenêtre garnie de barreaux d'acier et à la porte de laquelle une sentinelle, baïonnette au canon, avait été installée. Lorsque von Hulsen y arriva, M. von Stuppendorf était déjà en train de s'expliquer avec le général von Kohlfurth. Le préfet de police, s'étant fait annoncer par la sentinelle, reçut la permission d'entrer. Il referma la porte derrière lui. Von Kohlfurth était pourpre de fureur. « Vous montez, voyou » hurla-t-il en réponse à une affirmation du lieutenant. « Non, mon général. Je vous jure que je dis la vérité, » fit von Stuppendorf, qui était tendu sur un lit de camp. « Voilà le préfet de police, » fit le général von Kohlfurth. « Répétez-lui vos mensonges. » Karl von Stuppendorf, très pâle, essaya de se dresser sur son séant. Mais l'appareil immobilisant sa jambe brisée l'en empêcha. Il poussa un gémissement étouffé, et tournant la tête vers von Hulsen qui, impassible, le regardait, il parla d'une voix saccadée. « Je suis victime d'une inconcevable fatalité. Son Excellence, le général Kohlfurth, vient de m'apprendre la double accusation qui pèse sur moi et je la repousse de toutes mes forces. Je ne suis ni un déserteur ni un voleur. Ce n'est pas moi qui accompagnait messieurs von Bomst et von Sommerda à la tour Julius. Voici ce qui m'est arrivé. En sortant de chez son Excellence l'autre soir, je me dirigeais vers ma demeure lorsque dans l'Oranienburgstrasse, j'aperçus l'avocat Adalbert Fersig. Ce misérable, sans aucune provocation de ma part, se jeta sur moi. Ce fut si inattendu que je n'eus pas le temps de me mettre en garde. Je reçus un terrible coup de matraque sur la nuque qui m'étourdit. Je chancelai. Un autre coup me brisa la jambe. Je m'évanouis sous la douleur. Lorsque je revins à moi, j'étais en chemise, étendu sur un lit et ligoté dans une chambre obscure. À mon chevet, je reconnus Adalbert Fersig. « Ordre a été donné d'arrêter cet homme, n'est-ce pas, général ?» questionna von Hulsen. « Oui, » répondit Kohlfurth. « Monsieur Ludwig s'en est lui-même chargé. »« Très bien. Continuez, lieutenant. » Je regardai l'heure, et à une horloge fixée au mur, je m'aperçus qu'il était 3h30 du matin, poursuivit Stuppendorf. Je me souvins alors qu'à 6h, je devais aller prendre messieurs les conseillers d'État pour les accompagner à la tour Julius. Je suppliai mon infâme agresseur de me laisser partir. Je lui promis le silence. Je lui donnai ma parole d'officier de ne rien dévoiler de ce que j'avais vu et de ne pas porter plainte contre lui. Il ne me répondit pas et continua de me regarder d'un air narquois. Alors, pris d'un désespoir terrible, je lui offris 10 000 marks, puis 20 000, puis 100 000. Il refusa, se retira et me laissa seul. Les jours qui suivirent, je ne le revis plus. Une sorte de paysan muet me garda, me soigna et me nourrit. Hier soir, brisé de fatigue, je m'endormis un peu après le coucher de soleil, et lorsque je me réveillais, je m'aperçus que j'étais étendu sur la berge de la Havel. L'histoire n'est pas mal inventée, mais c'est la vérité qu'il nous faut, misérable, grogna le général von Kohlfurth, sitôt que Stuppendorf eut fini de parler. Von Hulsen ouvra la bouche pour donner son avis lorsqu'on frappa contre la porte. « Entrez !» dit-il. Monsieur Ludwig, ou plutôt le chef de la sûreté de Berlin, apparut. Il ne marqua aucune surprise en reconnaissant son chef et dit, une fois la porte fermée, « L'oiseau est parti. La maison qu'occupait l'avocat d'Albert Ferzig est vide. Rien, pas un meuble, pas un papier. J'ai inutile de chercher plus longtemps. Le pseudo Ferzig n'est autre que le baron Stromboli, » s'écria le préfet de police sèchement. « Le baron Stromboli !» exclama Stuppendorf en grinçant des dents. Personne ne lui répondit. « Général !» fit von Hulsen en s'adressant à Kohlfurth. « Il se pourrait que le lieutenant dise vrai sur certains points. Mais il oublie une chose, c'est d'expliquer comment Albert Ferzig a pu deviner que M. von Stuppendorf était chargé de conduire les conseillers à la tour Julius. « Oui, expliquez-vous là-dessus ?» appuya Kohlfurth. « Je ne sais pas. » fit le lieutenant d'une voix mal assurée. « Je vous assure, lieutenant, que c'est seulement en disant la vérité tout entière, que vous pouvez dissiper les doutes qui pèsent sur vous, » dit von Hulsen doucement, car jusqu'ici, l'invraisemblance de votre récit est flagrante, et les événements en démontrent la fausseté. « Faites venir messieurs von Bomst et von Sommerda. Ils sont bien obligés de reconnaître que ce n'est pas moi qui les ai conduits à la Julius Sturm, » répondit M. Stuppendorf. « Je n'en doute pas. Mais cela ne m'explique pas comment le baron de Stromboli a eu connaissance de la mission qui vous était confiée, » insista von Hulsen. « Peut-être ai-je déliré ?» avoua le lieutenant, embarrassé. Il fut impossible de tirer rien d'autre de lui. Les conseillers von Bomst et von Sommerda, appelés à Spandau et mis en présence de Karl von Stuppendorf, avouèrent que l'officier qui les avait conduits à la tour Julius n'avait pas tout à fait le même timbre de voix que l'accusé. Quant à l'apparence physique, à l'allure, au visage, ils étaient identiques. Ainsi, le mystère restait entier. Que le baron Stromboli se fût substitué au lieutenant Stuppendorf et en eût pris l'apparence, c'était possible. Mais cela n'indiquait pas comment il avait pénétré dans le caveau et surtout enlevé 350 kilos d'or sans être vu. À son tour, le général von Kohlfurth émit des doutes sur messieurs von Bomst et von Sommerda. Mais comme nulle preuve ne les appuyait, les deux conseillers furent laissés en paix. Cependant, M. von Sommerda, ayant été mis au courant, à la suite d'on ne sait quelle indiscrétion, des insinuations du général, lui dépêcha de témoins pour lui demander des explications. Kohlfurth, la rage au cœur, et tremblant de désobéir au chancelier et au ministre, qui exigeait le silence le plus absolu sur cette affaire, dut presque faire des excuses et affirmer qu'il n'avait jamais douté de la haute et parfaite intégrité du conseiller von Sommerda. Le gros von Bomst, l'ayant su, exigea lui aussi pareille déclaration, Kohlfurth faillant devenir malade de rage. Les jours se passaient, pourtant, et bien que les plus habiles détectives de l'Empire eussent été lancés sur la piste du baron Stromboli, le mystère subsistait. Aucune trace du voleur, ni de son butin. Le lieutenant von Stuppendorf persistait à nier connaître Stromboli, malgré prières ou menaces. Et le préfet de police von Hulsen en arrivait à se demander si Stuppendorf n'était pas lui-même Stromboli. En attendant sa comparution pour désertion devant le conseil de guerre, le lieutenant, gardé jour et nuit par deux sentinelles, guérissait lentement. M. de Böhlen-Etternich, ministre des Finances, avait fini par désespérer à tout jamais d'éclaircir cette étrange affaire, lorsqu'un beau soir, alors qu'il se trouvait seul dans sa loge à l'opéra, un jeune homme, vêtu de l'uniforme des chasseurs de la garde, entra. On jouait ce soir Tannhäuser. Ses jumelles aux yeux, l'oreille charmée par les vocalises du ténor, M. de Böhlen-Etternich n'aperçut le nouveau venu que lorsque celui-ci se fut assis à ses côtés. Outré d'un pareil sans gêne, le ministre se retourna tout d'une pièce. « Qu'est-ce à dire, lieutenant ? » s'écria-t-il, si irrité qu'il ne pensa pas à baisser la voix. Des chutes discrètes se firent entendre dans la salle. « Plus bas, excellence, » conseilla l'officier, très à l'aise, et du calme. « J'ai à vous communiquer un secret du plus haut intérêt. Puis-je compter sur votre discrétion ?» Le ministre toisa l'inconnu avec hauteur. « Parlez, » dit-il, les sourcils froncés. « Je suis, excellence, le baron César Stromboli. c'est vous qui avez volé le million de la tour Julius ? S'écria le ministre, qui éprouvait la plus forte émotion qu'il eût ressentie de son existence et ne pensait pas à la dissimuler. « Dites enlevez, enlevez, Excellence !» poursuivit Stromboli, souriant. « Avant de continuer, je voudrais que votre Excellence me promît de ne m'inquiéter en rien, je... »« Je vais vous faire arrêter, oui !» siffla M. de Belenéterniche, un sourire sinistre aux lèvres. Et en même temps, il appuya sur le bouton d'ivoire d'une sonnerie électrique incrusté dans la balustrade extérieure de la loge. « Vous avez tort, Excellence, car je vous mets au défi, d'abord, de prouver ma culpabilité, ensuite, d'avouer au peuple allemand qu'on a réussi à voler 1 million de marks dans le trésor de guerre de la Julius Sturm. » Le ministre tressaillit. Stromboli le tenait. Il le comprenait bien. La porte s'ouvrit et donna passage à une ouvreuse. « Ce n'est rien, laissez-nous, » fit M. de Bühlen-Eternich. La femme disparut. « Je vois, Excellence, que vous m'avez compris, » constata le baron Stromboli en souriant. « Que me voulez-vous ? » demanda le ministre, qui déjà avait repris son sang-froid. « Rien du tout, que vous rendre service, Excellence, en vous expliquant ce qu'est devenu le million enlevé à la tour Julius. Qui me prouvera la vérité de vos affirmations, monsieur ? Les faits eux-mêmes. Je vous défie de leur trouver une autre explication plausible. Et puis, comme je vous l'ai écrit, Excellence, je ne mens jamais. » « J'espère donc que vous voudrez bien me croire, quand ce ne serait que pour me remercier d'avoir été discret. D'ailleurs, j'espère vous intéresser assez pour que vous ne regrettiez pas les précieux instants que vous voulez bien me consacrer, » répondit le baron. Et les lèvres fleuries d'un aimable sourire, il se carra confortablement sur sa chaise, croisa ses jambes l'une sur l'autre et commença. Le lieutenant de la garde, Karl von Stoppendorf, vous a sans doute raconté à sa façon, Excellence, comment je le rencontrais alors que je sortais de chez moi, de chez l'avocat Adalbert Fersig, veux-je dire. Hélas, on ne peut plaire à tout le monde. Monsieur von Stoppendorf me le fit bien voir en dégainant son épée et en tentant de me la passer à travers le corps. D'un coup de ma canne d'ébène, je réussis sans peine à déjouer cette pauvre entreprise et désarmer ce brave lieutenant. J'aurais pu le tuer. Il ne me sut aucun gré de l'avoir épargné. L'ingratitude est grande au siècle où nous vivons. Enfin, M. von Stoppendorf éleva vers ma poitrine le canon de son revolver, apparemment pour se débarrasser de moi, du moins, je le suppose. Grâce à un bon coup de canne sur les doigts, je fis sauter à 3 pas le revolver du sire. Il voulut se précipiter sur moi. Je lui lançai ma canne entre les jambes, ce qui, pour résultat, de le faire choir et aussi de lui briser le tibia. Je le regrette, mais les Français affirment, je crois, qu'il ne se fait pas d'omelette sans casser des œufs. Enfin, muni du revolver de M. von Stoppendorf, j'intimai à ce brave l'ordre de ne pas bouger et de se taire. Il obéit et il fit bien. Je le traînai dans ma maison, le ligotai et le bâillonnai par précaution. Puis, après avoir élu sa fracture et pansé sa plaie, je me disposai à me coucher lorsque mon hôte me renouvela les propositions qu'il m'avait déjà faites, à savoir de lui rendre la liberté immédiatement contre la promesse de garder secrète notre entrevue et de me verser 10 000 marks. J'avais refusé. Successivement, ce brave lieutenant m'offrit 20, 30, 50 000 marks. Bien que je fusse persuadé qu'il n'avait aucunement l'intention de me donner pareille somme, mais bien de me faire arrêter lorsque j'irais toucher le chèque qu'il m'offrait, je fus néanmoins intrigué par une semblable insistance. Car M. von Stoppendorf paraissait fort agité. Je voulus en avoir le cœur net et, le plus aimablement que je pus, j'affirmai à mon hôte que mon intention n'était pas de le retenir prisonnier, malgré ses procédés un peu vifs à mon égard, mais bien de le garder chez moi 2 ou 3 jours, le temps que sa fracture se remît bien en place. « Non, non !» s'écria mon homme, agité au possible. « C'est ce soir que je dois partir. Laissez-moi m'en aller. Je vous devrai plus que la vie. »« La vie, vous me la devez déjà, cher lieutenant, » dis-je, « mais c'est la moindre des choses. » Quant à vous laisser partir, le voudrais-je que cela me serait impossible, attendu que vous êtes incapable de mettre un pied devant l'autre. Portez-moi dans la rue, j'appellerai, me répondit ce militaire entêté. Vous pourriez prendre froid. Les nuits sont fraîches à Spandau, objectai-je. Cette juste remarque mit le comble à la fureur de mon hôte. Il me menaça de la prison, du cachot, du bagne et autres douceurs. Je fis semblant d'être effrayé et je lui promis de lui rendre la liberté au cours de la nuit suivante. « Non, non » hurla-t-il, « c'est maintenant, c'est de suite que je veux m'en aller. Et pourquoi cette hâte? N'êtes-vous pas bien ici ? M. von Stuppendorf parut un instant embarrassé, puis répondit « Si je ne suis pas au quartier demain matin, je serai porté déserteur. »« Erreur, mon lieutenant. Ce sera tout au plus de l'absence illégale, coup de jour d'arrêt, et qu'on vous lèvera encore lorsque vous aurez prouvé que votre absence est motivée par un accident. On n'est déserteur qu'au bout de 3 jours. » Karl von Stuppendorf grinça des dents. « Enfin, dit-il, il faut absolument que je sois chez moi demain matin à 6 heures. Absolument, laissez-moi partir. » « Mille regrets, ou du moins, pas avant que vous ne m'ayez exactement renseigné sur le motif qui nécessite votre présence chez vous à 6 heures du matin. » Au lieu de me répondre, voilà mon lieutenant qui s'emporte, qui recommence à me menacer. Je lui ris au nez. Il essaye alors de me raconter plusieurs histoires à peine bonnes à intéresser des petits-enfants. Or, je commençais à avoir sommeil. Mais d'autre part, je brûlais d'envie de savoir pourquoi M. von Stuppendorf insistait tant pour se trouver chez lui à 6 heures du matin. Avant de pousser plus loin un interrogatoire qui menaçait d'être long, je pensais que peut-être il me serait possible de satisfaire ma curiosité en explorant tout simplement les poches de mon hôte involontaire. Je mis sur le champ ce projet à exécution. Ce fut facile. Von Stuppendorf ne pouvant faire un mouvement, quels que fussent ses efforts. Je trouvai sur lui un porte-monnaie contenant 7 marks et 12 pfennigs, un mouchoir, une boîte de poudre de riz ambrée, et enfin un portefeuille, duquel je retirai 4 billets de 1000 marks, et enfin une lettre de service ordonnant au lieutenant Karl von Stuppendorf de se rendre à 6 heures du matin, le jour suivant, à l'hôtel du commandant du cercle d'Ostabiland, pour y prendre messieurs les conseillers d'État von Bohm et von Sommerda, les conduire ensuite à la Juliusturm et les assister dans leur mission, laquelle consistait à vérifier si les 120 millions de marques enfermées dans la tour Julius étaient toujours à leur place. En lisant cet ordre de service, je compris alors pourquoi mon hôte tenait à être libéré dans le plus bref délai, et j'eus en même temps la sensation de n'avoir pas perdu ma soirée. Je m'approchai du lieutenant qui me regarda avec des yeux de requin enragé, ou du moins des yeux tels qu'en montrerait un squale atteint d'hydrophobie, et je lui dis « Que ne m'avertissiez-vous tout de suite, lieutenant. Je suis, Dieu merci, aussi bon allemand que vous, Deutschland über alles, et je ne voudrais pour rien au monde retarder l'accomplissement de votre mission. Vous allez dormir jusqu'à 4 heures, après quoi je vous conduirai moi-même en voiture jusqu'à votre domicile. » Sans aucun doute, M. von Stuppendorf eut à ce moment une très pauvre idée de moi, c'est certain. Son regard me le fit clairement comprendre. Je le laissais dans cette douce croyance, et écoutait sans impatience ses remerciements peu sincères. Cet homme méditait certainement, aussitôt libre, de me faire arrêter. Telle est l'ingratitude humaine. Je lui offris alors un verre de bière qu'il but sans hésiter et sans se douter que ce breuvage contenait un puissant soporifique. Un quart d'heure plus tard, Karl von Stuppendorf ronflait comme un moteur de 50 chevaux, ou âne, à volonté. Alors je ne perdis pas mon temps. Je déshabillai mon hôte, et après avoir revêtu son élégant uniforme que je brossais soigneusement, je passai le reste de la nuit à me faire la tête du lieutenant Stuppendorf. Ce fut assez facile, somme toute. Et à 6 heures précises, je me présentai à la porte de l'hôtel du commandant du cercle d'Ostabiland. Je fus aussitôt introduit dans un salon où attendaient messieurs von Bomst et von Sommerda. Ces dignes fonctionnaires furent charmants. Après avoir pris une tasse de chocolat en leur compagnie, je les menai à la Juliusturm. Comme ils ont dû vous donner les détails de notre visite, je n'insisterai pas. Je me bornerai simplement à vous faire savoir que je profitais de ce que ces messieurs se trouvaient dans le caveau blindé, en train de peser les sacs d'or, pour retirer les 2 clés de leur serrure et en prendre un soigneux moulage grâce à la cire que j'avais eu soin d'emporter. Je n'eus garde, en même temps, d'oublier de prendre note du chiffre indiqué par les 8 boutons à molette fixés sur la porte du caveau, et permettant seul de faire jouer les clés dans les serrures. La suite, vous le devinez, Excellence. Le soir même, je m'introduisis dans la tour Julius, toujours en uniforme et sans que personne dans le fort s'inquiétât de moi. Muni des 2 clés que je m'étais fabriquées, je pus ouvrir la porte du caveau blindé. J'en sortis 10 sacs de 100 000 marks chacun, en 10 voyages. Ces sacs, je les cachais dans un couloir du fort sous un lot de vieilles couvertures. Puis, ayant refermé la porte blindée, je quittai l'île Julius et regagnai le domicile du lieutenant von Stuppendorf. J'étais si bien grimé que son ordonnance m'a reconnu comme étant Stuppendorf. j'envoyai ce brave soldat faire une commission à l'autre bout de la ville et profiter de son absence pour quitter l'uniforme dont j'étais vêtu et le remplacer par un costume civil appartenant à celui dont j'étais le sosie. Après quoi, je rentrai chez moi, chez l'avocat Adalbert Ferzig. Le lieutenant von Sputendorf venait de se réveiller. Sa fureur fut grande en constatant qu'il était 5 heures du soir. Je le calmai en le menaçant de le rosser, seul argument capable de le convaincre. Cette précaution prise, je vous envoyais la lettre que vous avez reçue, Excellence. Cette missive avait un but, vous inciter à vous faire accompagner par des soldats lors de votre visite dans le fort entourant la tour Julius. En effet, intrigué par le passage de ma lettre où je vous disais que la Julius Turm possédait plusieurs issues, vous emmenâtes une escouade de soldats. Ces soldats, c'étaient des hommes à moi, bien déguisés, et commandés par votre serviteur, Excellence. À la faveur de l'agitation régnant dans l'arsenal, il ne nous fut pas difficile de nous introduire dans la cour, et comme nous étions les seuls de sang-froid, ce fut nous que le général von Kohlfurth choisit ainsi que je l'avais prévu. La suite, vous la connaissez, ou presque, Excellence. Une fois dans la Julius Turm, moi et mes hommes, nous emplîmes nos cartouchières vides avec le contenu des sacs d'or que j'avais dissimulés dans un coin. Et voilà. Nous sortîmes en votre compagnie sans être suspectés et sans que personne ne s'aperçût de rien. 2 autos, contenant des vêtements de rechange, nous attendaient dans la forêt de Spandau et nous permirent de prendre 1 heure plus tard le train allant à Munich et de là de passer en Italie. J'ai fini. Comme vous le voyez, l'affaire est bien simple. Quelques jours plus tard, je profitai d'une nuit sans lune pour me débarrasser du lieutenant von Sputendorf en le déposant sur la berge de la Havel, près de Gatow. Le baron Stromboli se tut. Il y avait 10 minutes qu'il avait cessé de parler, que M. de Bühlen-Etternich le regardait encore avec admiration et stupeur. Le gentilhomme international, souriant, se leva. « Je ne voudrais pas, Excellence, abuser plus longtemps de vos précieux instants, » dit-il. Le ministre se leva, indiquant qu'il considérait l'entretien comme terminé. Très régence, César Stromboli s'inclina et sortit de la loge. Justement, la représentation toucha à sa fin et nombre de spectateurs déjà se hâtaient vers le vestiaire. Le gentilhomme international disparut dans la foule. Nul, jusqu'ici, n'a connu l'histoire du vol de Spandau, et si on peut la lire ici, c'est que M. de Bühlen-Etternich, comme on le sait, est mort. Après une entente avec le ministre des Finances et le chancelier de l'Empire, la Deutsche Bank, subventionnée par les fonds secrets, a remis dans la Julius Turm le 1 million dérobé par le gentilhomme international. Le général Kohlfurth a été mis à la retraite. Messieurs von Bomst et von Sommerda aussi. Le lieutenant Sputendorf a été cassé et condamné à 5 ans de forteresse. Le tout sans explication. Quant au baron Stromboli, après sa visite à M. de Bühlen-Etternich, il avait tout simplement pris le premier rapide, allant à Venise, et y était arrivé sans encombre. Ainsi s'achève le 1 million de la tour Julius, une aventure du baron Stromboli par José Moselli.